fait les choses comme il le fallait. Oh. Mmh. Même si je pleure des larmes salées. Mmh. Ah. Ce qu'ils pensent les gens dans le fond, je m'emballais. Mmh. Un homme sage, ça fait les choses sans parler. Oh. Mmh. Montre le sang que je te régale. Vas-y, moi, viens baler. Oh. Passe la deuxième et mets les gaz dans le chargeur, mets les balles. Je te trouve mal, qu'est-ce qui se passe pour toi, dis-moi tout. Faut que tu penses à tout et que tu saches que personne te fera un deuxième trou de balle. J'ai vécu des trucs sales, ma famille, quelques amis, me reste plus que ça. J'en ai marre, faut que je me taille d'elle là. Problème de la life. Faut des billets. Faut des billets. Il faut des billets. Si je peux, je me tâche.